Chapitre 10. Ce proverbe naïf, si usité en Angleterre, « Ce qui est engendré dans l'os ne sortira pas de la chair », ne s'est jamais mieux vérifié que dans l'histoire de ma vie. On pourrait penser qu'après 35 années d'affliction et une multiplicité d'infortunes, que peu d'hommes avant moi, pas un seul peut-être, n'avaient essuyé, et qu'après environ 7 années de paix et de jouissance dans l'abondance de toutes choses, devenus vieux alors, je devais être à même ou jamais d'apprécier tous les états de la vie moyenne et de connaître le plus propre à rendre l'homme complètement heureux. Après tout ceci, dis-je, on pourrait penser que la propension naturelle à courir, qu'à mon entrée dans le monde j'ai signalée comme si prédominante en mon esprit, était usée, que la partie volatile de mon cerveau était évaporée ou tout au moins condensée, et qu'à 61 ans d'âge, j'aurais le goût quelque peu casanier et aurais renoncé à hasarder davantage ma vie et ma fortune. Qui plus est, le commun motif des entreprises lointaines n'existait point pour moi. Je n'avais point de fortune à faire. Je n'avais rien à rechercher. Eussé-je gagné 10 000 livres sterling, je n'eusse pas été plus riche. J'avais déjà du bien à ma suffisance et à celle de mes héritiers, et ce que je possédais accroissait à vue d'œil. Car n'ayant pas une famille nombreuse, je n'aurais pu dépenser mon revenu qu'en me donnant un grand train de vie, une suite brillante, des équipages, du faste et autres choses semblables, aussi étrangères à mes habitudes qu'à mes inclinations. Je n'avais donc rien à faire qu'à demeurer tranquille, à jouir pleinement de ce que j'avais acquis et à le voir fructifier chaque jour entre mes mains. Aucune de ces choses, cependant, n'eut d'effet sur moi, ou du moins assez pour étouffer le violent penchant que j'avais à courir de nouveau le monde, penchant qui m'était inhérent comme une maladie chronique. Voir ma nouvelle plantation dans l'île et la colonie que j'y avais laissée était le désir qui roulait le plus incessamment dans ma tête. Je rêvais de cela toute la nuit, et mon imagination s'en berçait tout le jour. C'était le point culminant de toutes mes pensées. Et mon cerveau travaillait cette idée avec tant de fixité et de contention que j'en parlais dans mon sommeil. Bref, rien ne pouvait la bannir de mon esprit. Elle envahissait si tyranniquement tous mes entretiens que ma conversation en devenait fastidieuse. Impossible à moi de parler d'autre chose. Tous mes discours rabâchés là-dessus jusqu'à l'impertinence, jusque-là que je m'en aperçus moi-même. J'ai souvent entendu dire à des personnes de grand sens que tous les bruits accrédités dans le monde sur les spectres et les apparitions sont dus à la force de l'imagination et au puissant effet de l'illusion sur nos esprits, qu'il n'y a ni revenants, ni fantômes errants, ni rien de semblable. Qu'à force de repasser passionnément la vie et les mœurs de nos amis qui ne sont plus, nous les représentons si bien qu'il nous est possible, en des circonstances extraordinaires, de nous figurer les voir, leur parler et en recevoir des réponses. Quant au fond, dans tout cela, il n'y a qu'ombre et vapeur. Et par le fait, ces choses fort incompréhensibles. Pour ma part, je ne sais encore à cette heure s'il y a de réelles apparitions, des spectres, des promenades de gens à leur mort, ou si dans toutes les histoires de ce genre qu'on nous raconte, il n'y a rien qui ne soit le produit des vapeurs, des esprits malades et des imaginations égarées. Mais ce que je sais, c'est que mon imagination travaillait à un tel degré et me plongeait dans un tel excès de vapeur, ou qu'on appelle cela comme on voudra, que souvent je me croyais être sur les lieux même, à mon vieux château derrière les arbres, et je voyais mon premier espagnol, le père de Vendredi et les infâmes matelots que j'avais laissés dans l'île. Je me figurais même que je leur parlais. et bien que je fusse tout à fait éveillée, je les regardais fixement, comme s'ils eussent été en personne devant moi. J'en vins souvent à m'effrayer moi-même des objets qu'enfantait mon cerveau. Une fois dans mon sommeil, le premier Espagnol et le père de Vendredi me peignirent si vivement la scélératesse des trois corsaires de matelots que c'était merveille. Ils me racontaient que ces misérables avaient tenté cruellement de massacrer tous les Espagnols et qu'ils avaient mis le feu aux provisions par eux amassées à dessein de les réduire à l'extrémité et de les faire mourir de faim, chose qui ne m'avait jamais été dite et qui pourtant en fait était vrai. J'en étais tellement frappée, et c'était si réel pour moi, qu'à cette heure je les voyais, et ne pouvais qu'être persuadée que cela était vrai, ou devait l'être. Aussi, quelle n'était pas mon indignation quand l'Espagnol faisait ses plaintes, et comme je leur rendais justice en les traduisant devant moi, et les condamnant tous trois à être pendus. On verra en son lieu ce que là-dedans il y avait de réel. Car quelle que fût la cause de ce songe, et quels que fussent les esprits secrets et familiers qui me l'inspirassent, il s'y trouvait, dis-je, toutefois beaucoup de choses exactes. J'avoue que ce rêve n'avait rien de vrai à la lettre et dans les particularités. Mais l'ensemble en était si vrai. L'infâme et perfide conduite de ces trois fiéfés coquins ayant été tellement au-delà de tout ce que je puis dire que mon songe n'approchait que trop de la réalité et que si plus tard je les eusse punis sévèrement et fait pendre tous, j'aurais été dans mon droit et justifiable devant Dieu et devant les hommes. Mais revenons à mon histoire. Je vécus quelques années dans cette situation d'esprit. Pour moi, nulle jouissance de la vie, point d'heures agréables, de diversions attachantes qui ne tinssent en quelque chose à mon idée fixe. À tel point que ma femme, voyant mon esprit si uniquement préoccupé, me dit un soir très gravement qu'à son avis, j'étais sous le coup de quelque impulsion secrète et puissante de la Providence, qui avait décrété mon retour là-bas, et qu'elle ne voyait rien qui s'opposât à mon départ que mes obligations envers une femme et des enfants. Elle ajouta qu'à la vérité, elle ne pouvait songer à aller avec moi, mais que, comme elle était sûre que, si elle venait à mourir, ce voyage serait la première chose que j'entreprendrais, et que, comme cette chose lui semblait décidée là-haut, elle ne voulait pas être l'unique empêchement. Car si je le jugeais convenable et que je fusse résolue à partir. Ici, elle me vit si attentif à ses paroles et la regardait si fixement qu'il se déconcerta un peu et s'arrêta. Je lui demandais pourquoi elle ne continuait point et n'achevais pas ce qu'elle allait me dire. Mais je m'aperçus que son cœur était trop plein et que des larmes roulaient dans ses yeux. « Parlez, ma chère, lui dis-je. Souhaitez-vous que je parte ?»« Non, répondit-elle affectueusement. Je suis loin de le désirer. Mais si vous êtes déterminée à partir, plutôt que d'y être l'unique obstacle, je partirai avec vous. Quoique je considère cela comme une chose déplacée pour quelqu'un de votre âge et dans votre position. Si cela doit être, redisait-elle en pleurant, je ne vous abandonnerai point. Si c'est la volonté céleste, vous devez obéir. Point de résistance. Et si le ciel vous fait un devoir de partir, il m'en fera un de vous suivre. Autrement, il disposera de moi, afin que je ne rompe pas ce dessein. » Cette conduite affectueuse de ma femme m'enleva un peu à mes vapeurs. Et je commençai à considérer ce que je faisais. Je réprimai ma fantaisie vagabonde, et je me pris à discuter avec moi-même posément. « Quel besoin as-tu, à plus de 60 ans, après une vie de longue souffrance et d'infortune, close d'une si heureuse et si douce manière, quel besoin as-tu, me disais-je, de t'exposer à de nouveaux hasards, de te jeter dans des aventures qui conviennent seulement à la jeunesse et à la pauvreté. Dans ces sentiments, je réfléchis à mes nouveaux liens. J'avais une femme, un enfant, et ma femme en portait un autre. J'avais tout ce que le monde pouvait me donner, et nullement besoin de chercher fortune à travers les dangers. J'étais sur le déclin de mes ans, et devais plutôt songer à quitter qu'à accroître ce que j'avais acquis. Quant à ce que m'avait dit ma femme, que ce penchant était une impulsion venant du ciel, et qu'il serait de mon devoir de partir, je n'y eus point égard. Après beaucoup de considérations semblables, j'en vins donc aux prises avec le pouvoir de mon imagination. Je me raisonnais pour m'y attacher, comme on peut toujours faire, il me semble, en pareilles circonstances, si on en a le vouloir. Bref, je sortis vainqueur. Je me calmai à l'aide des arguments qui se présentèrent à mon esprit et que ma condition d'alors me fournissait en abondance. Particulièrement, comme la méthode la plus efficace, je me résolus de me distraire par d'autres choses et de m'engager dans quelque affaire qui pût me détourner complètement de toute excursion de ce genre. Car je m'étais aperçu que ces idées m'assaillaient principalement quand j'étais oisif, que je n'avais rien à faire, ou du moins rien d'important immédiatement devant moi. Dans ce but, j'achetai une petite métairie dans le comté de Bedford, et je résolus de m'y retirer. L'habitation était commode, et les héritages qui en dépendaient susceptibles de grandes améliorations, ce qui, sous bien des rapports, me convenait parfaitement. Amateur que j'étais de culture, d'économie, de plantation, d'améliorissement. D'ailleurs, cette ferme se trouvant dans le cœur du pays, je n'étais plus à même de hanter la marine et les gens de mer et d'ouïr rien qui eût trait aux lointaines contrées du monde. Bref, je me transportais à ma métairie. J'y établis ma famille, j'achetais charrues, herses, charrettes, chariots, chevaux, vaches, moutons. Et, me mettant sérieusement à l'œuvre, je devins en 6 mois un véritable gentleman campagnard. Mes pensées étaient totalement absorbées. C'étaient mes domestiques à conduire, des terres à cultiver, des clôtures, des plantations à faire. Je jouissais, selon moi, de la plus agréable vie que la nature puisse nous départir et dans laquelle puisse faire retraite un homme toujours nourri dans le malheur. Comme je faisais valoir ma propre terre, je n'avais point de redevance à payer. Je n'étais gêné par aucune clause. Je pouvais tailler et rogner à ma guise. Ce que je plantais était pour moi-même, ce que j'améliorais pour ma famille. Ayant ainsi dit adieu aux aventures, je n'avais pas le moindre nuage dans ma vie pour ce qui est de ce monde. Alors, je croyais réellement jouir de l'heureuse médiocrité que mon père m'avait si instamment recommandée. Une sorte d'existence céleste, semblable à celle qu'a décrite le poète en parlant de la vie pastorale. Exempte de vices et de soins, jeunesse et sans écart, vieillesse sans besoin. Mais au sein de toute cette félicité, un coup inopiné de la Providence me renversa. Non seulement il me fit une blessure profonde et incurable, mais par ses conséquences, il me fit faire une lourde rechute dans ma passion vagabonde. Cette passion, qui était pour ainsi dire née dans mon sang, eut bientôt repris tout son empire. Et, comme le retour d'une maladie violente, elle revint avec une force irrésistible, tellement que rien ne fit plus impression sur moi. Ce coup, c'était la perte de ma femme. Il ne m'appartient pas ici d'écrire une élégie sur ma femme. de retracer toutes ses vertus privées et de faire ma cour au beau sexe par la flatterie d'une raison funèbre. Elle était, soit dit en peu de mots, le support de toutes mes affaires, le centre de toutes mes entreprises, le bon génie qui, par sa prudence, me maintenait dans le cercle heureux où j'étais, après m'avoir attaché aux plus extravagants et aux plus ruineux projets où s'égara ma tête. Et elle avait fait plus pour dompter mon inclination errante que les pleurs d'une mère, les instructions d'un père, les conseils d'un ami, ou que toute la force de mes propres raisonnements. J'étais heureux de céder à ses larmes, de m'attendrir à ses prières. Et par sa perte, je fus en ce monde au plus haut point brisé et désolé. Sitôt qu'elle me manqua, le monde autour de moi me parut mal. J'y étais, me semblait-il, aussi étranger qu'au Brésil, lorsque pour la première fois j'y abordais, et aussi isolé, à part l'assistance de mes domestiques, que je l'étais dans mon île. Je ne savais que faire ou ne pas faire. Je voyais autour de moi le monde occupé, les uns travaillant pour avoir du pain, les autres se consumant dans de vils excès ou de vains plaisirs, mais également misérables, parce que le but qu'ils se proposaient fuyait incessamment devant eux. Les hommes de plaisir, chaque jour, se blasaient sur leurs vices et s'amassaient une montagne de douleurs et de repentirs. Et les hommes de labeur dépensaient leurs forces en efforts journaliers afin de gagner du pain, de quoi soutenir ces forces vitales qu'exigeaient leurs travaux. Roulant ainsi dans un cercle continuel de peine, ne vivant que pour travailler, ne travaillant que pour vivre, comme si le pain de chaque jour était le seul but d'une vie accablante, et une vie accablante la seule voie menant au pain de chaque jour. Cela réveilla chez moi l'esprit dans lequel je vivais en mon royaume, mon île, où je n'avais point laissé croître de blé au-delà de mon besoin, où je n'avais point nourri de chèvres au-delà de mon usage, où mon argent était resté dans le coffre jusque-là de s'y moisir, et avait eu à peine la faveur d'un regard pendant 20 années. Si de toutes ces choses j'eusse profité comme je l'eusse dû faire, et comme la raison et la religion me l'avaient dicté, j'aurais eu appris à chercher au-delà des jouissances humaines une félicité parfaite. J'aurais eu appris que, supérieur à elle, il y a quelque chose qui, certainement, est la raison et la fin de la vie, et que nous devons posséder, ou tout au moins auquel nous devons aspirer, sur ce côté-ci de la tombe. Mais ma sage conseillère n'était plus là. J'étais comme un vaisseau sans pilote qui ne peut que courir devant le vent. Mes pensées volaient de nouveau à leur ancienne passion. Ma tête était totalement tournée par une manie d'aventure lointaine, et tous les agréables et innocents amusements de ma métairie et de mon jardin, mon bétail et ma famille, qui auparavant me possédaient tout entier, n'étaient plus rien pour moi, n'avaient plus d'attrait. Comme la musique pour un homme qui n'a point d'oreille, ou la nourriture pour un homme qui a le goût usé. En un mot, je résolus de me décharger du soin de ma métairie, de l'abandonner, de retourner à Londres. Et je fis ainsi peu de mois après. Arrivé à Londres, je me retrouvai aussi inquiet qu'auparavant. La ville m'ennuyait. Je n'y avais point d'emploi, rien à faire qu'à bagnauder, comme une personne oisive de laquelle on peut dire qu'elle est parfaitement inutile dans la création de Dieu, et que pour le reste de l'humanité, il n'importe pas plus qu'un farthing qu'elle soit morte ou vive. C'était aussi de toutes les situations celle que je détestais le plus. Moi, qui avais usé mes jours dans une vie active, et je me disais souvent à moi-même, l'état d'oisiveté est la lie de la vie. Et en vérité, je pensais que j'étais beaucoup plus convenablement occupée quand j'étais 26 jours à me faire une planche de sapin. Nous entrions dans l'année 1693 quand mon neveu, dont j'avais fait, comme je l'ai dit précédemment, un marin et un commandant de navire, revint d'un court voyage à Bilbao, le premier qu'il eut fait. M'étant venu voir, il me conta que des marchands de sa connaissance lui avaient proposé d'entreprendre pour leur maison un voyage aux Indes orientales et à la Chine. « Et maintenant, mon oncle, dit-il, si vous voulez aller en mer avec moi, je m'engage à vous débarquer à votre ancienne habitation dans l'île, car nous devons toucher au Brésil. » Rien ne saurait être une plus forte démonstration d'une vie future et de l'existence d'un monde invisible que la coïncidence des causes secondes et des idées que nous formons en notre esprit tout à fait intimement et que nous ne communiquons pas à une âme. Mon neveu ignorait avec quelle violence ma maladie de courir le monde s'était de nouveau emparée de moi. Et je ne me doutais pas de ce qu'il avait l'intention de me dire quand le matin même, avant sa visite, dans une très grande confusion de pensées, repassant à mon esprit toutes les circonstances de ma position, j'en étais venu à prendre la détermination d'aller à Lisbonne consulter mon vieux capitaine. Et, si c'était raisonnable et praticable, d'aller voir mon île et ce que mon peuple y était devenu. Je me complaisais dans la pensée de peupler ce lieu, d'y transporter des habitants, d'obtenir une patente de possession et je ne sais quoi encore. Quand au milieu de tout ceci entra mon neveu, comme je l'ai dit, avec son projet de me conduire à mon île, chemin faisant aux Indes orientales. À cette proposition, je me pris à réfléchir un instant, et le regardant fixement, « Quel démon, lui dis-je, vous a chargé de ce sinistre message ?» Mon neveu tressaillit comme s'il eût été effrayé d'abord, mais s'apercevant que je n'étais pas très fâché de l'ouverture, il se remit. « J'espère, sire, reprit-il, que ce n'est point une proposition funeste. J'ose même espérer que vous serez charmé de voir votre nouvelle colonie en ce lieu où vous régniez jadis, avec plus de félicité que la plupart de vos frères, les monarques de ce monde. » Bref, ce dessein correspondait si bien à mon humeur, c'est-à-dire à la préoccupation qui m'absorbait et dont j'ai déjà tant parlé, qu'en peu de mots je lui dis que je partirais avec lui s'il s'accordait avec les marchands, mais que je ne promettais pas d'aller au-delà de mon île. « Pourquoi, sire, dit-il, vous ne désirez pas être laissé là de nouveau, j'espère ?»« Quoi ? Répliquai-je. Ne pouvez-vous pas me reprendre à votre retour ?» Il m'affirma qu'il n'était pas possible que les marchands lui permissent de revenir par cette route, avec un navire chargé de si grande valeur, le détour étant d'un mois et pouvant l'être de 3 ou 4. « D'ailleurs, sire, ajouta-t-il, s'il me m'arrivait et que je ne revinsse pas du tout, vous seriez alors réduit à la condition où vous étiez jadis. » C'était fort raisonnable. Toutefois, nous trouvâmes l'un et l'autre un remède à cela. Ce fut d'embarquer à bord du navire un sloop 1, tout façonné mais démonté en pièces, lequel, à l'aide de quelques charpentiers que nous convînmes d'emmener avec nous, pouvait être remonté dans l'île et achevé et mis à flot en peu de jours. Je ne fus pas long à me déterminer, car réellement les importunités de mon neveu servaient si bien mon penchant que rien ne m'aurait arrêté. D'ailleurs, ma femme étant morte, je n'avais personne qui s'intéressât assez à moi pour me conseiller telle voie ou telle autre. Exception faite de ma vieille bonne amie la veuve, qui s'évertua pour me faire prendre en considération mon âge, mon aisance, l'inutile danger d'un long voyage, et par-dessus tout, mes jeunes enfants. Mais ce fut peine vaine, j'avais un désir irrésistible de voyager. J'ai la créance, lui dis-je, qu'il y a quelque chose de si extraordinaire dans les impressions qui pèsent sur mon esprit, que ce serait en quelque sorte résister à la Providence si je tentais de demeurer à la maison. Après quoi, elle mit fin à ses remontrances et se joignit à moi, non seulement pour faire mes apprêts de voyage, mais encore pour régler mes affaires de famille en mon absence et pourvoir à l'éducation de mes enfants. Pour le bien de la chose, je fis mon testament et disposai la fortune que je laissais à mes enfants de telle manière, et je la plaçai en de telles mains, que j'étais parfaitement tranquille et assurée que justice leur serait faite, quoi qu'il pût m'advenir. Quant à leur éducation, je m'en remis entièrement à ma veuve, en la gratifiant pour ses soins d'une suffisante pension, qui fut richement méritée, car une mère n'aurait pas apporté plus de soins dans leur éducation ou ne l'eût pas mieux entendue. Elle vivait encore quand je revins dans ma patrie, et moi-même je vécus assez pour lui témoigner ma gratitude. Mon neveu fut prêt à mettre à la voile vers le commencement de janvier 1694-95, et avec mon serviteur Vendredi, je m'embarquai aux dunes le 8, ayant à bord, outre le sloop dont j'ai fait mention ci-dessus, un chargement très considérable de toutes sortes de choses nécessaires pour ma colonie, que j'étais résolue de n'y laisser qu'autant que je la trouverais en bonne situation. Premièrement, j'emmenai avec moi quelques serviteurs que je me proposais d'installer comme habitants dans mon île, ou du moins de faire travailler pour mon compte pendant que j'y séjournerais. Puis que j'y laisserai ou que je conduirai plus loin, selon qu'il paraîtrait le désirer. Il y avait entre autres deux charpentiers, un forgeron et un autre garçon fort adroit et fort ingénieux, tonnelier de son état, mais artisan universel, car il était habile à faire des roues et des moulins à bras pour moudre le grain, de plus bon tourneur et bon potier, et capable d'exécuter toute espèce d'ouvrage en terre ou en bois. Bref, nous l'appelions notre Jacques Bonatou. Parmi eux se trouvait aussi un tailleur qui s'était présenté pour passer aux Indes orientales avec mon neveu, mais qui consentit par la suite à se fixer dans notre nouvelle colonie et se montra le plus utile et le plus adroit compagnon qu'on eût su désirer, même dans beaucoup de choses qui n'étaient pas de son métier. Car, ainsi que je l'ai fait observer autrefois, la nécessité nous rend industrieux. Ma cargaison, autant que je puis m'en souvenir, car je n'en avais pas dressé un compte détaillé, consistait en une assez grande quantité de toiles et de légères étoffes anglaises pour habiller les Espagnols que je m'attendais à trouver dans l'île. À mon calcul, il y en avait assez pour les vêtir confortablement pendant 7 années. Si j'ai bonne mémoire, les marchandises que j'emportais pour leur habillement, avec les gants, chapeaux, souliers, bas et autres choses dont ils pouvaient avoir besoin pour se couvrir, montaient à plus de 200 livres sterling, y compris quelques lits, couchers et objets d'ameublement, particulièrement des ustensiles de cuisine, pots, chaudrons, vaisselle d'étain et de cuivre. J'y avais joint en outre près de 100 livres sterling de ferronnerie, clous, outils de toutes sortes, loquets, crochets, gonds, bref, tout objet nécessaire auquel je pus penser. J'emportais aussi une 100aine d'armes légères, mousquets et fusils, de plus quelques pistolets, une grande quantité de balles de tout calibre, 3 ou 4 tonneaux de plomb, 2 pièces de canon d'airain, et comme j'ignorais pour combien de temps et pour quelles extrémités j'avais à me pourvoir, je chargeai 100 barils de poudre, des épées, des coutelas et quelques fers de piques et de hallebardes. Si bien qu'en un mot, nous avions un véritable arsenal de toute espèce de munitions. Je fis aussi emporter à mon neveu 2 petites caronades en plus de ce qu'il lui fallait pour son vaisseau, à dessein de les laisser dans l'île si besoin était, afin qu'à notre débarquement, nous puissions construire un fort et l'armer contre n'importe quel ennemi. Et par le fait, dès mon arrivée, j'eus lieu de penser qu'il serait assez besoin de tout ceci et de beaucoup plus encore, si nous prétendions nous maintenir en possession de l'île, comme on le verra dans la suite de cette histoire. Je n'eus pas autant de malencontres dans ce voyage que dans les précédents. Aussi aurais-je moins sujet de détourner le lecteur, impatient peut-être d'apprendre ce qu'il en était de ma colonie. Toutefois, quelques accidents étranges, des vents contraires et du mauvais temps qui nous advinrent à notre départ, rendirent la traversée plus longue que je ne m'y attendais d'abord. Et moi, qui n'avais jamais fait qu'un voyage, mon premier voyage en Guinée, que je pouvais dire s'être effectué comme il avait été conçu, je commençais à croire que la même fatalité m'attendait encore, et que j'étais né pour ne jamais être content à terre, et pour toujours être malheureux sur l'océan. Les vents contraires nous chassèrent d'abord vers le nord, et nous fûmes obligés de relâcher à Galway, en Irlande, où ils nous retinrent 32 jours. Mais dans cette mésaventure, nous eûmes la satisfaction de trouver là des vivres excessivement à bon marché et en très grande abondance, de sorte que tout le temps de notre relâche, bien loin de toucher aux provisions du navire, nous y ajoutâmes plutôt. Là, je pris plusieurs porcs et 2 vaches avec leurs veaux, que si nous avions une bonne traversée, j'avais dessein de débarquer dans mon île. Mais nous trouvâmes occasion d'en disposer autrement. Nous quittâmes l'Irlande le 5 février, à la faveur d'un joli frais qui dura quelques jours. Autant que je me le rappelle, c'était vers le 20 février, un soir, assez tard, le second, qui était de quart, entra dans la chambre du conseil et nous dit qu'il avait vu une flamme et entendu un coup de canon. Et tandis qu'il nous parlait de cela, un mousse vint nous avertir que le maître d'équipage en avait entendu un autre. Là-dessus, nous courûmes tous sur le gaillard d'arrière où nous n'entendîmes rien. Mais au bout de quelques minutes, nous vîmes une grande lueur et nous reconnûmes qu'il y avait au loin un feu terrible. Immédiatement, nous eûmes recours à notre estime et nous tombâmes tous d'accord que du côté où l'incendie se montrait, il ne pouvait y avoir de terre qu'à non moins 500 lieues, car il apparaissait à l'ouest-nord-ouest. Nous conclûmes alors que ce devait être quelque vaisseau incendié en mer, et les coups de canon que nous venions d'entendre nous firent présumer qu'il ne pouvait être loin. Nous fîmes voile directement vers lui, et nous eûmes bientôt la certitude de le découvrir, parce que plus nous cinglions, plus la flamme grandissait. Bien que de longtemps, le ciel étant brumeux, nous ne pûmes apercevoir autre chose que cette flamme. Au bout d'une demi-heure de bon sillage, le vent nous étant devenu favorable, quoique assez faible, et le temps s'éclaircissant un peu, nous distinguâmes pleinement un grand navire en feu au milieu de la mer. Je fus sensiblement touché de ce désastre, encore que je ne connusse aucunement les personnes qui s'y trouvaient plongées. Je me représentais alors mes anciennes infortunes, l'état où j'étais quand j'avais été recueilli par le capitaine portugais, et combien plus déplorable encore devait être celui des malheureuses gens de ce vaisseau, si quelque autre bâtiment n'allait avec eux de conserve. Sur ce, j'ordonnai immédiatement de tirer 5 coups de canon coup sur coup, à dessein de leur faire savoir, s'il était possible, qu'ils avaient du secours à leur portée, et afin qu'ils tâchassent de se sauver dans leur chaloupe. Car bien que nous puissions voir la flamme dans leur navire, eux, cependant, à cause de la nuit, ne pouvaient rien voir de nous. Nous étions en panne depuis quelque temps, suivant seulement à la dérive le bâtiment embrasé, en attendant le jour, quand soudain, à notre grande terreur, quoique nous eussions lieu de nous y attendre, le navire sauta en l'air et s'engloutit aussitôt. Ce fut terrible. Ce fut un douloureux spectacle par la compassion qu'il nous donna de ces pauvres gens, qui, je le présumais, devaient tous avoir été détruits avec le navire ou se trouvaient dans la plus profonde détresse, jetés sur leur chaloupe au milieu de l'océan. Alternative d'où je ne pouvais sortir à cause de l'obscurité de la nuit. Toutefois, pour les diriger de mon mieux, je donnai l'ordre de suspendre tous les fanaux que nous avions à bord, et on tira le canon toute la nuit. Par là, nous leur faisions connaître qu'il y avait un bâtiment dans ce parage. Vers 8 heures du matin, à l'aide de nos lunettes d'approche, nous découvrîmes les embarcations du navire incendié, et nous reconnûmes qu'il y en avait deux d'entre elles encombrées de monde et profondément enfoncées dans l'eau. Le vent leur étant contraire, ces pauvres gens ramaient, et nous ayant vus, ils faisaient tous leurs efforts pour se faire voir aussi de nous. Nous déployâmes aussitôt notre pavillon pour leur donner à connaître que nous les avions aperçus, et nous leur adressâmes un signal de ralliement, puis nous forçâmes de voile, portant le cap droit sur eux. En un peu plus d'une demi-heure, nous les joignîmes, et, bref, nous les accueillîmes tous à bord. Ils n'étaient pas moins de 64, tant hommes que femmes et enfants, car il y avait un grand nombre de passagers. Enfin, nous apprîmes que c'était un vaisseau marchand français de 300 tonneaux s'en retournant de Québec sur la rivière du Canada. Le capitaine nous fit un long récit de la détresse de son navire. Le feu avait commencé à la timonerie par la négligence du timonier. À son appel au secours, il avait été, du moins tout le monde le croyait-il, entièrement éteint. Mais bientôt on s'était aperçu que quelques flammèches avaient gagné certaines parties du bâtiment où il était si difficile d'arriver qu'on avait pu complètement les éteindre. Ensuite, le feu s'insinuant entre les couples et dans le vaigrage du vaisseau, s'était étendu jusqu'à la cale et avait bravé tous les efforts et toute l'habileté qu'on avait pu faire éclater. Ils n'avaient eu alors rien autre à faire qu'à se jeter dans leurs embarcations, qui, fort heureusement pour eux, se trouvaient assez grandes. Ils avaient leur chaloupe, un grand canot et de plus un petit esquif qui ne leur avait servi qu'à recevoir des provisions et de l'eau douce, après qu'ils s'étaient mis en sûreté contre le feu. Toutefois, ils n'avaient que peu d'espoir pour leur vie en entrant dans ces barques, à une telle distance de toute terre. Seulement, comme ils le disaient bien, ils avaient échappé au feu, et il n'était pas impossible qu'un navire les rencontrât et les prît à son bord. Ils avaient des voiles, des rames et une boussole, et se préparaient à mettre le cap en route sur Terre-Neuve, le vent étant favorable, car il soufflait un joli frais sud-est car-est. Ils avaient, en les ménageant, assez de provisions et d'eau pour ne pas mourir de faim pendant environ 12 jours, au bout desquels, s'ils n'avaient point de mauvais temps et de vent contraire, le capitaine disait qu'il espérait atteindre les bancs de Terre-Neuve, où ils pourraient sans doute pêcher du poisson pour se soutenir jusqu'à ce qu'ils eussent gagné la terre. Mais il y avait dans tous les cas tant de chances contre eux, les tempêtes pour les renverser et les engloutir, les pluies et le froid pour engourdir et geler leurs membres, les vents contraires pour les arrêter et les faire périr par la famine, que s'ils eussent échappé, c'eût été presque miraculeux. Au milieu de leur délibération, comme ils étaient tous abattus et prêts à se désespérer, le capitaine me conta, les larmes aux yeux, que soudain ils avaient été surpris joyeusement en entendant un coup de canon, puis 4 autres. C'étaient les 5 coups de canon que j'avais fait tirer aussitôt que nous eûmes aperçu la lueur. Cela les avait rendus à leur courage et leur avait fait savoir, ce qui, je l'ai dit précédemment, était mon dessein, qu'il se trouvait là un bâtiment à portée de les secourir. En entendant ces coups de canon, ils avaient calé leur mât et leur voile. Et, comme le son venait du vent, ils avaient résolu de rester en panne jusqu'au matin. Ensuite, n'entendant plus le canon, ils avaient à de longs intervalles déchargé 3 mousquets. Mais comme le vent nous était contraire, la détonation s'était perdue. Quelque temps après, ils avaient été encore agréablement surpris par la vue de nos fanaux et par le bruit du canon, que j'avais donné l'ordre de tirer tout le reste de la nuit. À ces signaux, ils avaient forcé de rames pour maintenir leurs embarcations debout au vent, afin que nous puissions les joindre plus tôt. Et enfin, à leur inexprimable joie, ils avaient reconnu que nous les avions découverts. Il m'est impossible de peindre les différents gestes, les extases étranges, la diversité de postures par lesquelles ces pauvres gens, à une délivrance si inattendue, manifestaient la joie de leurs âmes. L'affliction et la crainte se peuvent décrire aisément. Des soupirs, des gémissements et quelques mouvements de tête et de mains en font toute la variété. Mais une surprise de joie, mais un excès de joie entraîne à mille extravagances. Il y en avait en larmes, il y en avait qui faisaient rage et se déchiraient d'eux-mêmes comme s'ils eussent été dans la plus douloureuse agonie. Quelques-uns, tout à fait en délire, étaient de véritables lunatiques. D'autres couraient çà et là dans le navire en frappant du pied, d'autres se tordaient les mains, d'autres dansaient, plusieurs chantaient, quelques-uns riaient, beaucoup criaient. Quantité, absolument muet, ne pouvait proférer une parole. Ceux-ci étaient malades et vomissaient. Ceux-là en pâmoison étaient près de tomber en défaillance. Un petit nombre se signait et remerciait Dieu. Je ne veux faire tort ni aux uns ni aux autres. Sans doute beaucoup rendirent grâce par la suite, mais tout d'abord la commotion, trop forte pour qu'ils pussent la maîtriser, les plongea dans l'extase et dans une sorte de frénésie. Et il n'y en eut que fort peu qui se montrèrent graves et dignes dans leur joie. Peut-être aussi le caractère particulier de la nation à laquelle ils appartenaient y contribua-t-il. J'entends la nation française, dont l'humeur est réputée plus volatile, plus passionnée, plus ardente et l'esprit plus fluide que chez les autres nations. Je ne suis pas assez philosophe pour en déterminer la source, mais rien de ce que j'avais vu jusqu'alors n'égalait cette exaltation. Le ravissement du pauvre Vendredi, mon fidèle sauvage, en retrouvant son père dans la pirogue, est ce qui s'en approchait le plus. La surprise du capitaine et de ses deux compagnons que je délivrais des deux scélérats qui les avaient débarqués dans l'île y ressemblait quelque peu aussi. Néanmoins, rien ne pouvait entrer en comparaison, ni ce que j'avais observé chez Vendredi, ni ce que j'avais observé partout ailleurs durant ma vie. Il est encore à remarquer que ces extravagances ne se montraient point sous les différentes formes dont j'ai fait mention, chez différentes personnes uniquement, mais que toute leur multiplicité apparaissait en une brève succession d'instants chez un seul même individu. Tel homme que nous voyions muet, et pour ainsi dire stupide et confondu, à la minute suivante dansait et criait comme un baladin. Le moment d'ensuite, il s'arrachait les cheveux, mettait ses vêtements en pièces, les foulait aux pieds comme un furibond. Peu après, tout en larmes, il se trouvait mal, il s'évanouissait, et s'il n'eût reçu de prompt secours, encore quelques secondes et il était mort. Il en fut ainsi, non pas d'un ou de deux, de 10 ou de 20, mais de la majeure partie. Et si j'ai bonne souvenance, à plus de 30 d'entre eux, notre chirurgien fut obligé de tirer du sang. Il y avait deux prêtres parmi eux, l'un vieillard, l'autre jeune homme. Et chose étrange, le vieillard ne fut pas le plus sage. Dès qu'il mit le pied à bord de notre bâtiment et qu'il se vit en sûreté, il tomba, en toute apparence, roide mort comme une pierre. Pas le moindre signe de vie ne se manifestait en lui. Notre chirurgien lui appliqua immédiatement les remèdes propres à rappeler ses esprits. Il était le seul du navire qui ne le croyait pas mort. À la fin, il lui ouvrit une veine au bras, ayant premièrement massé et frotté la place pour l'échauffer autant que possible. Le sang, qui n'était d'abord venu que goutte à goutte, coula assez abondamment. En 3 minutes, l'homme ouvrit les yeux. Un quart d'heure après, il parla, se trouva mieux, et au bout de peu de temps, tout à fait bien. Quand la saignée fut arrêtée, il se promena, nous assura qu'il allait à merveille, but un trait d'un cordial que le chirurgien lui offrit et recouvra, comme on dit, toute sa connaissance. Environ un quart d'heure après, on accourut dans la cabine avertir le chirurgien, occupé à saigner une femme française évanouie, que le prêtre était devenu entièrement insensé. Sans doute, en repassant dans sa tête la vicissitude de sa position, il s'était replongé dans un transport de joie, et ses esprits, circulant plus vite que les vaisseaux ne le comportaient, la fièvre avait enflammé son sang, et le bonhomme était devenu aussi concevable pour Bedlam qu'aucune des créatures qui jamais y furent envoyées. En cet état, le chirurgien ne voulut pas le saigner de nouveau, mais il lui donna quelque chose pour l'assoupir et l'endormir, qui opéra sur lui assez promptement. Et le lendemain matin, il s'éveilla calme et rétabli. Le plus jeune prêtre sut parfaitement maîtriser son émotion et fut réellement un modèle de gravité et de retenue. Aussitôt arrivé à bord du navire, il s'inclina, il se prosterna pour rendre grâce de sa délivrance. Dans cet élancement, j'eus malheureusement la maladresse de le troubler, le croyant véritablement évanoui. Mais il me parla avec calme, me remercia, me dit qu'il bénissait Dieu de son salut, me pria de le laisser encore quelques instants, ajoutant qu'après son Créateur, je recevrais aussi ses bénédictions. Je fus profondément contrit de l'avoir troublé. Et non seulement je m'éloignais, mais encore j'empêchais les autres de l'interrompre. Il demeura dans cette attitude environ 3 minutes, ou un peu plus, après que je me fus retiré. Puis il vint à moi, comme il avait dit qu'il ferait, et avec beaucoup de gravité et d'affection, mais les larmes aux yeux, il me remercia de ce qu'avec la volonté de Dieu je lui avais sauvé la vie, ainsi qu'à tant de pauvres infortunés. Je lui répondis que je ne l'engagerais point à en témoigner sa gratitude à Dieu plutôt qu'à moi, n'ignorant pas que déjà c'était chose faite. Puis j'ajoutai que nous n'avions agi que selon ce que la raison et l'humanité dictent à tous les hommes, et qu'autant que lui, nous avions sujet de glorifier Dieu qui nous avait bénis jusque-là de nous faire les instruments de sa miséricorde envers un si grand nombre de ses créatures. Après cela, le jeune prêtre se donna tout entier à ses compatriotes. Il travailla à les calmer, il les exhorta, il les supplia. Il discuta et raisonna avec eux et fit tout son possible pour les rappeler à la saine raison. Avec quelques-uns, il réussit. Quant aux autres, d'assez longtemps, ils ne rentrèrent en puissance d'eux-mêmes. Je me suis laissé aller complaisamment à cette peinture, dans la conviction qu'elle ne saurait être utile à ceux sous les yeux desquels elle tombera, pour le gouvernement de leurs passions extrêmes. Car si un excès de joie peut entraîner l'homme si loin au-delà des limites de la raison, où ne nous emportera pas l'exaltation de la colère, de la fureur, de la vengeance? Et par le fait, j'ai vu là-dedans combien nous devions rigoureusement veiller sur toutes nos passions, soit-elle de joie et de bonheur, soit-elle de douleur et de colère. Nous fûmes un peu bouleversés le premier jour par les extravagances de nos nouveaux hôtes. Mais quand ils se furent retirés dans les logements qu'on leur avait préparés, aussi bien que le permettait notre navire, fatigués, brisés par l'effroi, ils s'endormirent profondément pour la plupart, et nous retrouvâmes en eux le lendemain une toute autre espèce de gens. Point de courtoisie, point de démonstration de reconnaissance qu'ils ne nous prodiguèrent pour les bons offices que nous leur avions rendus. Les Français, on ne l'ignore pas, sont naturellement portés à donner dans l'excès de ce côté-là. Le capitaine et un des prêtres m'abordèrent le jour suivant, et désireux de s'entretenir avec moi et mon neveu le commandant, ils commencèrent par nous consulter sur nos intentions à leur égard. D'abord, ils nous dirent que, comme nous leur avions sauvé la vie, tout ce qu'ils possédaient ne serait que peu en retour du bienfait qu'ils avaient reçu. Puis le capitaine nous déclara qu'ils avaient à la hâte arraché aux flammes et mis en sûreté dans leurs embarcations de l'argent et des objets de valeur, et que si nous voulions l'accepter, ils avaient mission de nous offrir le tout. Seulement qu'ils désiraient être mis à terre sur notre route, en quelque lieu où il ne leur fut point impossible d'obtenir passage pour la France. neveu, tout d'abord, ne répugnait pas à accepter leur argent, quitte à voir ce qu'on ferait de plus tard. Mais je l'en détournais, car je savais ce que c'était que d'être déposé à terre en pays étranger. Si le capitaine portugais qui m'avait recueilli en mer avait agi ainsi envers moi et avait pris pour la rançon de ma délivrance tout ce que je possédais, il m'eût fallu mourir de faim ou devenir esclave au Brésil comme je l'avais été en Barbarie, à la seule différence que je n'aurais pas été à vendre à un mahométan. Et rien ne dit qu'un portugais soit meilleur maître qu'un turc, voire même qu'il ne soit pire en certains cas. Je répondis donc au capitaine français. « À la vérité, nous vous avons secouru dans votre détresse, mais c'était notre devoir, parce que nous sommes vos semblables et que nous désirerions qu'il nous fût ainsi fait si nous nous trouvions en pareille ou en toute autre extrémité. Nous avons agi envers vous comme nous croyons que vous eussiez agi envers nous si nous avions été dans votre situation et vous dans la nôtre. » Nous vous avons accueilli à bord pour vous assister et non pour vous dépouiller. Ce serait une chose des plus barbares que de vous prendre le peu que vous avez sauvé des flammes, puis de vous mettre à terre et de vous abandonner. Ce serait vous avoir premièrement attaché aux mains de la mort pour vous tuer ensuite nous-mêmes, vous avoir sauvé du naufrage pour vous faire mourir de faim. Je ne permettrai donc pas qu'on accepte de vous la moindre des choses. « Quant à vous déposer à terre, ajoutai-je, c'est vraiment pour nous d'une difficulté extrême, car le bâtiment est chargé pour les Indes orientales, et quoiqu'à une grande distance du côté de l'ouest, nous soyons entraînés hors de notre course, ce que peut-être le ciel a voulu pour votre délivrance, il nous est néanmoins absolument impossible de changer notre voyage à votre considération particulière. Mon neveu, le capitaine, ne pourrait justifier cela envers ses affréteurs, avec lesquels il s'est engagé par une charte partie à se rendre à sa destination par la route du Brésil. Tout ce qu'à ma connaissance il peut faire pour vous, c'est de nous mettre en passe de rencontrer des navires revenant des Indes occidentales, et s'il est possible, de vous faire accorder passage pour l'Angleterre ou la France. » La première partie de ma réponse était si généreuse et si obligeante qu'ils ne purent que m'en rendre grâce. Mais ils tombèrent dans une grande consternation, surtout les passagers, l'idée d'être emmenés aux Indes orientales. Ils me supplièrent, puisque j'étais déjà entraîné si loin à l'ouest avant de les rencontrer, de vouloir bien au moins tenir la même route jusqu'au banc de Terre-Neuve, où sans doute je rencontrerais quelques navires ou quelques sloops qu'ils pouvaient prendre à louage pour retourner au Canada, d'où ils venaient. Cette requête ne me parut que raisonnable de leur part, et j'inclinais à l'accorder, car je considérais que par le fait, transporter tout ce monde aux Indes orientales serait non seulement agir avec trop de dureté envers de pauvres gens, mais encore serait la ruine complète de notre voyage par l'absorption de toutes nos provisions. Aussi pensais-je que ce n'était point là une infraction à la charte partie, mais une nécessité qu'un accident imprévu nous imposait et que nul ne pouvait nous imputer à blâme. Car les lois de Dieu et de la nature nous avaient enjoint d'accueillir ces deux bateaux pleins de gens dans une si profonde détresse, et la force des choses nous faisait une obligation, envers nous comme envers ces infortunés, de les déposer à terre quelque part, de les rendre à eux-mêmes. Je consentis donc à les conduire à Terre-Neuve, si le vent et le temps le permettaient, et, au cas contraire, à la Martinique, dans les Indes occidentales. Le vent continua de souffler fortement de l'est. Cependant, le temps se maintint assez bon. Et comme le vent s'établit dans les aires intermédiaires entre le nord-est et le sud-est, nous perdîmes plusieurs occasions d'envoyer nos hôtes en France, car nous rencontrâmes plusieurs navires faisant voile pour l'Europe, entre autres deux bâtiments français venant de Saint-Christophe. Mais ils avaient louvoyé si longtemps qu'ils n'osèrent prendre des passagers, dans la crainte de manquer de vivres et pour eux-mêmes et pour ceux qu'ils auraient accueillis. Nous fûmes donc obligés de poursuivre. une semaine après environ, nous parvînmes au banc de Terre-Neuve, où, pour couper court, nous mîmes tous nos Français à bord d'une embarcation qu'ils prirent à louage en mer pour les mener à terre, puis ensuite les transporter en France s'ils pouvaient trouver des provisions pour l'avitailler. Quand je dis que tous nos Français nous quittèrent, je dois faire observer que le jeune prêtre dont j'ai parlé, ayant appris que nous allions aux Indes orientales, désira faire le voyage avec nous pour débarquer à la côte de Coromandel. J'y consentis volontiers, car je m'étais pris d'affection pour cet homme, et non sans bonne raison, comme on le verra plus tard. Quatre matelots s'enrôlèrent aussi à bord et se montrèrent bons compagnons. De là, nous prîmes la route des Indes occidentales et nous gouvernions sud et sud car est depuis environ 20 jours, parfois avec peu ou point de vent, quand nous rencontrâmes une autre occasion, presque aussi déplorable que la précédente, d'exercer notre humanité.